Ça me casse les oreilles ton son là, acide, on s'en fout, le mec il veut faire de la philosophie à deux balles là, on pige même pas un mot de ce qu'il raconte, t'sais. Et ah oui, ouais, ça fait boum boum, ça casse les oreilles, ça casse les tympans, mais t'entends rien, et non, mais franchement arrête la musique, je sais pas, mets-toi à planter des fleurs, vends de la drogue, fais comme tous les autres, putain, mais pourquoi t'es là à faire chier, en plus on s'en fout, à punk, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, mec. On s'en branle, mais arrête! Franchement, heureusement, là, c'est la fin de ton disque, parce que moi, j'avais vraiment la tête. Ah, j'en peux plus, là. Plus, hein. Alors arrête maintenant.